بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons nos cours de tafsir et nous allons terminer aujourd'hui bi'idhnillah surat al-shams. Et nous sommes arrivés au récit de Salih et de son peuple les Thamoud, et notamment le signe ou le miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé au Thamoud, al-naqa, la chamelle, naqat Allah. Et on a vu lors de notre cours précédent le récit concernant cette chamelle, et notamment le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au Thamoud de la laisser boire un jour, et un autre jour, c'était à eux de boire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَكَذَّبُوهُ أَيْ كَذَّبُوا صَالِحًا. Ils l'ont démenti. Ils l'ont traité de menteur. Qui ça? Salih. Yani les Thamoud. Innaka lasta bi rasul. Ils l'ont dit, tu n'es pas un messager. Wa kadha kullu ar-rusul alladhina ursilu ila aqwamihim yasimuhum aqwamuhum bil aib. Ayusimuhum aqwamuhum bil aib. كما قال الله تعالى كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi pour tous les messagers qui ont été envoyés à leur peuple ont été insultés et ont été persécutés par leur peuple. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, et ainsi, hein, ce qui est parvenu de ceux avant eux parmi les messagers, sans qu'on leur dise sorciers ou fous. On les traitait de sorciers, on les traitait de fous. Kullu ar-rusul قيل لهم هذا الصاحر أو مجنون كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وَإِذَا اهْتَبَسُوا الْأَجْرِ أُثِيبُوا عَلَى ذَلِكِ. Et donc chaque messager était insulté ou traité de sorcier, de fou, comme notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, tu es certes un sorcier, tu es un menteur, un grand menteur, tu es un fou, un poète, un devin, hein, toutes sortes d'insultes proférées à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces mauvaises appellations, ces insultes, hein, par lesquelles les ennemis, hein, insultent les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-ci ne les touche pas. Ceci ne leur porte pas atteinte, ne leur porte pas préjudice à ces alliés d'Allah. Mais plutôt au contraire, ça les élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils espèrent la récompense et ils sont récompensés pour cela. Comme les gens à notre époque, les gens qui s'accrochent au tawhid ou à la sunna, ils sont insultés. Ils sont traités avec des appellations. Hein? Toutes sortes d'appellations. Au fil des siècles, les gens de la sunna ont été traités, ont été insultés, ont été ont reçu des appellations mauvaises. Comme à notre époque, les gens de la sunna, on les appelle wahhabiyya. Ou d'autres parmi les appellations. Afin de quoi ? D'éloigner les gens d'eux. Afin de faire peur. Afin de les appeler les terroristes, les extrémistes, les djihadistes, etc. Ils mettent « ist » dans tous les mots à la fin pour faire peur. Pour faire peur aux gens. Et pour éloigner les gens de la sunna et du tawhid. Jusqu'à aujourd'hui, ce procédé a lieu. Mais bien sûr, personne à notre époque ne subit les persécutions et les intimidations et les violences qu'ont subi les prophètes alayhim salam et à leur tête Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lit la sira et qui étudie la sira se rendra compte des grandes épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies. فدمدم عليهم ربهم يعني أتبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمة البر أي أتبقت عليه التراب. Et donc il les a détruits, il les a anéantis, yani qui leur seigneur, yani Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, les a anéantis. Ici damdama, le verbe, lorsque quelque chose qui s'écroule, qui est anéanti, qui est comme le puits, lorsque la terre s'écroule et se reverse, le puits il est enseveli. Ouais, barakallahu fik, c'est le bon mot, enseveli. Naam. Bidham bihim, très important. Fadam dama alayhim rabbum bi bidham bihim. Ani par leur péché, bi sabab dhunubihim. À cause de quoi ? À cause de leur péché. Ils ont été anéantis. Ils ont été détruits. À cause de quoi ? À cause de leur péché. لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد. لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. C'est quoi qui a causé leur perte? C'est quoi qui a causé leur destruction? C'est leur péché. C'est leur péché au Thamoud. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait preuve d'aucune injustice envers personne. Mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes et qui subissent les conséquences de leur injustice. Et donc leur anéantissement ou leur destruction est causé à cause de leur injustice envers eux-mêmes, à cause de leur péché. Et non pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est injuste envers eux-mêmes. Donc leur péché, c'est ça la cause. La cause de leur destruction, la cause de leur avilissement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous sans approcher, et la corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des gens ont commis, afin qu'ils goûtent certaines choses de ce qu'ils ont œuvré. Il se peut qu'ils reviennent. Pourquoi la corruption est apparue sur terre? Où la corruption sur terre est apparue à partir de quoi? À partir de ce que les gens ont commis. Alors Allah leur a fait goûter ce qu'ils ont commis. Ou ils ont fait, Allah leur a fait goûter le châtiment à cause de ce qu'ils ont œuvré et ce qu'ils ont commis comme corruption sur terre et sur mer. وقال تعالى وإذ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. Allah subhanahu wa ta'ala également dit: et si nous voulons détruire une cité ou une ville ou une contrée, alors nous ordonnons ses habitants. Nous ordonnons quoi? Al-Sharia, la législation, les ordres et les interdits. Fafasaqou fiha. Mais ils se sont déviés, dévoyés. Ils ont quitté le droit chemin. Alors la parole a été établie sur eux. L'ordre a été venu. Le châtiment a été envoyé. Et ils ont tous été détruits. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الله أكبر. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au meilleur de la création, à la meilleure des générations, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa génération. Lorsqu'ils disent ce mal vous a touché, et avant cela vous avez commis deux fois plus que ça, et vous dites d'où vient cela? Dit cela vient de vos propres personnes. Cela vient de vos propres personnes. Fal insan yusab bil masa'ib min indi nafsihi. ولهذا قال فدمدم عليهم رب بذنبهم أي بسبب ذنوب أذنبهم. Et donc la personne individu, elle est touchée par les épreuves, elle est touchée par les calamités à cause de sa propre personne. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et leur Seigneur les a détruits à cause de leurs péchés. Maintenant mes frères, prenez ce sujet et regardez l'état de la communauté à notre époque. Regardez la faiblesse dans laquelle se trouvent les musulmans. Regardez comment Al-Kuffar prennent le dessus sur les musulmans à notre époque. Est-ce que ceci est dû parce qu'ils sont plus avancés que nous technologiquement, parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ou qu'ils ont plus d'argent que nous? Non. Non. Ceci est dû à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, à cause de notre délaissement du tawhid et de la sunna. Regardez, dans beaucoup de pays musulmans, combien de tombes sont adorées? Combien de pieux sont adorés? Comment la sunna est devenue étrangère et la bida est devenue sunna? Comment les gens ont copié al-kuffar? Comment les mosquées sont vides? Comment les gens sont loin du tawhid, loin de la sunna? Ils sont tombés dans la transgression et dans les péchés, dans la fornication et dans l'alcool et dans le riba, dans le mensonge, dans le colportage et dans la médisance. Regardez l'état des musulmans. Cette faiblesse qui nous touche aujourd'hui, et particulièrement en cette période difficile pour nous musulmans et pour nos frères et sœurs, ceci est dû à nos péchés. Ceci est dû à notre transgression et à notre délaissement du tawhid et de la sunna. Donc si nous comprenons la cause de notre faiblesse, nous comprenons alors la solution à cela. C'est le fait de revenir au kitab et à la sunna, de délaisser les péchés et de s'accrocher à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas compris la solution. Et ils ont œuvré à l'opposé de la solution en pensant pouvoir régler les problèmes dans lesquels les musulmans sont. Hein? Et donc les musulmans, hein, pensant, hein, ou voulant régler les problèmes, au contraire, ils rajoutent parce qu'ils ont, ils vont à l'opposé de ce que la solution est, qui est le retour au Coran et à la Sunna, le retour au Tawhid, le retour, hein, au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se fait-il que des millions de personnes, hein, se retrouvent dans les rues des différentes villes du monde entier en demandant la paix et les mosquées sont vides au Fajr? Au Fajr, les mosquées sont vides. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est ainsi qu'un grand savant de l'Andalous a écrit une lettre au roi des Kuffars lorsque l'Andalous, hein, commençait à être conquis par les Kuffars. Vous savez que les musulmans ont conquis l'Andalousie très rapidement, hein, après le deuxième siècle de l'Égir. Les musulmans ont conquis l'Espagne, le Portugal et le sud de la France, même la moitié de la France. Et l'Andalousie est restée musulmane pendant des siècles, jusqu'à que les Kuffars ont repris l'Andalousie. Et ce grand savant a écrit une lettre au roi des Kuffars. Il leur a dit: vous ne prenez pas le dessus sur nous parce que vous êtes plus forts que nous, mais vous prenez le dessus sur nous car on a délacé la voix de Abu Bakr, de Omar et de Uthman et de Ali radiyallahu anhum. Et cette parole, elle est valable aujourd'hui. Et on peut dire aux Yahoud et aux Nassar et aux Kuffar qui aujourd'hui, hein, prennent le dessus sur les musulmans dans certains endroits de la terre, ils ne prennent pas le dessus parce qu'ils sont plus forts que nous, mais ils prennent le dessus parce qu'on a délaissé la voix de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali radiyallahu anhum ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fasawwaha ay ammaha bil hilak hatta la yabqa minhum ahad wa asbahu fi diyarihim jathimin. Fasawwaha, c'est-à-dire que le châtiment a touché tous les Thamoud. Hein, la destruction les a tous touchés jusqu'à qu'il ne restait plus personne parmi, bien sûr, les kofars, hein, des Thamoud. Parce que Salih, il y a des gens qui l'ont suivi, même s'ils étaient peu. Mais parmi les kofars, ils ont tous été anéantis. Et se sont retrouvés au petit matin, hein, jonchés sur le sol, dans leur maison, anéantis par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset, cette sourate, en disant: et il ne craint pas, hein, leurs conséquences, c'est-à-dire qu'Allah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَخَافُ مِنْ عَاقِبَةِ أَوْلَاهِ الَّذِينَ عَذَّبَهُمْ وَلَا يَخَافُ مِنْ تَبِعَتِهِمْ لِأَنَّ لَهُ الْمُلْكِ وَبِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ بِخِلَافِ غَيْلِهِ مِنَ الْمُلُوكِ لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم. C'est-à-dire Allah ne craint pas, hein, les représailles de cela, ou ne craint pas les conséquences, hein, de ceux qu'il a anéantis, de ceux qu'il a châtiés. Allah n'a pas peur de cela. Car Allah, c'est lui le roi. C'est lui qui détient la royauté suprême. Et c'est lui qui, entre ses mains, détient toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Au contraire des autres. Regardez les rois qui ont existé ou qui existent. Lorsqu'il vint vaincre, V-A-I-N-T, il y a un T, non? Vas-y, on verra. Lorsqu'ils ont vaincu. Lorsqu'ils ont vaincu. Un autre peuple. Ou lorsqu'ils ont infligé des dommages à un autre peuple ou à d'autres. Tu les vois, ces rois, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que la roue tourne et que c'est eux après qui vont être attaqués et qui vont être vaincus. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas peur de cela. Allah n'a pas peur de la vengeance, des représailles ou des conséquences. Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, à qui appartient le royaume tout entier. Subhanahu wa ta'ala. Et ainsi Allah Azza wa Jal termine cette sourate extraordinaire, sourate Ash-Shams. Il reste combien de temps? On peut commencer sourate Al-Balad, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite Bismillahirrahmanirrahim, La uqasimu bihada al-balad. La uqasimu bihada al-balad, La lil istiftah, ay istiftah al-kalam. والتوكيده وتوكيده وليست نافية لأن المراد إثبات القسم يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد. Donc ici Allah dit لا أقسم بهذا البلد. Hein, ce qui est connu, le لا, c'est quoi? C'est pour la négation. Mais là non, attention. Là, ce n'est pas une négation. Mais ici, le « la », on l'appelle « la istiftah » pour ouvrir la parole, pour commencer la parole. D'accord? Et ceci, la faïda, hein, l'enseignement de ceci, c'est « tawkid », c'est le renforcement en fait, afin d'approuver encore plus, afin de confirmer encore plus. Donc ici, ce n'est pas « la nafia » de négation. Hein, ici, Allah ne nie pas, mais plutôt il affirme. D'accord? Donc ici, il veut affirmer quoi? Le fait qu'il jure, subhanahu wa ta'ala. Hein? Il dit qu'il jure par cette cité, par cette ville. Qasimu al-qasm, ta'kid al-shay, ta'kid al-shay, bi-dhikri mu'azzam ala wajhi makhsous. C'est quoi le fait de jurer? Al-qasm, c'est quoi le fait de jurer? C'est le fait d'affirmer une chose en mentionnant la grandiosité de cette chose, hein, ou la grandiosité de cela de façon spécifique. De façon spécifique. Tu jures sur quelque chose de spécifique. فَكُلُّ شَيْءٍ مَحْلُوف بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعَظَّمًا لَدَ الْحَالِفِ. Donc toute chose sur laquelle on jure, il est obligé que cette chose soit grandiose auprès de celui qui jure. وَقَدْ لَا يَكُنْ مُعَظَّمًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ. Mais il se peut qu'en réalité cette chose ne soit pas extraordinaire ou grandiose. Comment ça? مثال الَّذِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّةِ هِيَ مُعَظَّمَ عِنْدَهُمْ لَكِنْ هِيَ فِي الْوَاقِ لَيْسَتْ عَظِيمًا وَلَا مُعَظَّمًا. Par exemple, ceux qui jurent par Lat ou Al-Uzza à l'époque du prophète. Lat ou Al-Uzza, c'est qui? Des divinités, des Quraysh. On avait parlé de Lat. Je ne sais plus dans quelle sourate ou dans quel cours on a parlé de Lat. Hein? Al-Najm. Ouais, mais dans Kitab Tawhid, Ahsan Ti Akhi. Dans Kitab Tawhid, on a parlé de Lat. C'est quoi Lat, on avait dit? Ouais, mais c'était quoi la base? Une personne. Quelle personne? Un soleil. Ouais, mais il faisait quoi? Hein? C'était des gens de. Croyez-je? Non, tu confonds. Là, c'était un homme pieux qui donnait à manger à qui? Aux pèlerins qui venaient à la Mecque. Hein? Et il pilonnait. Hein? Et quand il est mort, ils l'ont pris comme divinité. Naam? Rappelez-vous, dans Kitab Tawhid, on a parlé, c'est loin. Hein? المهم ici les Quraysh jurent par Lat et Al-Uzza. Lat et Al-Uzza, est-ce qu'ils sont pas extraordinaires ou grandioses à leurs yeux? Non, c'est pour ça qu'ils jurent par elles. Mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est des idoles. Donc, quand tu jures par quelque chose, ou quand quelqu'un jure par quelque chose, c'est qu'il glorifie cette chose. Même si cette chose n'est pas digne d'être glorifiée. D'accord? Vous comprenez? فالحلف والقسم واليمين المعنى واحد هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة. D'accord, donc le fait de jurer, le fait de prêter serment, le fait de jurer sur une chose, c'est quoi? C'est le fait d'approuver ou d'appuyer ou de confirmer une chose en mentionnant en le mentionnant de son caractère grandiose auprès de celui qui jure de façon spécifique. Donc ici والحلوف القسم هي الباء والواو والتاء والتاء pardon. Pour jurer en arabe il y a trois lettres, le ba, le wa, le ta. Billahi wallahi tallahi, bien sûr il y a des règles pour chaque lettre, etc. Revenez au cours de nahou, de grammaire. والذي في الآية الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد الباء. Donc ici Allah jure par quoi? Par le ba. لا أقسم بهذا البلد, c'est-à-dire Allah ici il jure par cette ville, par cette contrée. Et c'est quoi cette ville ou contrée? Al-balad huna Mecca. Wa uqsimu wa aqsama Allahu biha li sharafiha wa 'idamiha fa hiya a'zamu biqa'il ard fa hiya a'zamu biqa'il ard hurma wa ahabba biqa'il ard ila Allah 'azza wa jalla. Donc Allah il jure par Mecca. Il jure pour sa noblesse, pour sa grandiosité, car elle est l'endroit sur terre la plus grandiose, la plus noble. Elle est sacrée. Elle est l'endroit sur terre la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette terre, qui est lui le maître des êtres humains sallallahu alayhi wa sallam. Fajalilu bihada al-balad al-amin an yuqassima bihi ou an yuqassama bihi. Et donc, il est en droit ici que cette ville, cette ville, cette noble ville, Allah subhanahu wa ta'ala jure par elle. وَلَكِنْ نَحْنُ لَا نُقَسِّمُ بِهِ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَلَيْسَ لَنَا الْحَقُّ أَن نُقَسِّمَ بِمَخْلُوقٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَّفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. والحديث صحيح. متفقون عليه. Mais quant à nous, il est interdit qu'on jure par Mecca. Iyakum, tu vous dites, wa Mecca, bi Mecca. Haram, c'est interdit. Pourquoi? Car c'est une créature. C'est une créature. Et il est interdit pour un être humain de jurer par une quelconque créature. Même si c'est une créature grandiose ou extraordinaire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme l'arche, ou comme Mecca. Interdit, haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, il a certes mécru, ou alors il a associé. Après on rentre dans le est-ce que le shirk asra, le shirk akbar, etc. Ça, on voit dans le kitab tawhid en général. Naam. Mais أما الله عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاء ولهذا أقسم هنا بمكة. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. Il jure par ce qu'il veut, on l'a vu. Il a juré par والشمس والضحاها والشمس والضحاها. Il a والليل والسماء etc. Naam, il a juré par beaucoup de choses dans le Coran, et notamment ici il jure par la Mecque, hein, mais quant à nous c'est interdit de jurer. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه لأن حلول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. Ensuite, quand il mentionne le deuxième verset, وأنت حل بهذا البلد, certains ont expliqué en disant qu'Allah Azza wa Jal a juré par cette ville, hein, du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'y trouve. Et donc le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam habite dans cette ville, yani la ville de Mecca, hein, ceci rajoute de la noblesse à la noblesse de la ville de Mecca. La ville de Mecca est déjà sacrée, noble. En plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y trouve, alors elle est encore plus noble et encore plus sacrée. وقيل المعنى وأنت تستحل هذا البلد فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عام الفتح لأن مكة عام الفتح وحلت لرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. Ou certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi, ou que le prophète sallam, hein, l'a rendu licite cette ville. Dans quel sens? Si, il faut comprendre. Al-Shir, il n'a pas trop expliqué, mais il faut comprendre. La ville de Mecca, elle est haram. Hein? C'est-à-dire elle est sacrée. Dans la mesure où des choses qui sont permises à l'extérieur de Mecca ou dans un autre endroit de la ville de Mecca est interdit à Mecca. Comme quoi? Chasser, couper les arbres, faire la guerre. Hein? Ça, c'est interdit à Mecca. D'accord? C'est interdit à Mecca. Donc ici, certains ont dit que le sens du verset, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'a rendu licite. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par cette ville sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu licite. Et ça c'était quand? Naam, l'année de la conquête. Lorsque les musulmans ont conquéri la Mecque. Lorsque les musulmans ont conquéri la Mecque, en quelle année? 9. 8. 9. 8. Hein? La Adri, alhamdoulilah, ça c'est la meilleure réponse. La fête de Mecca, la fête de Mecca, c'est 10? Non, t'as pas le même. 8. Hein? 8. L'année 9, c'est l'année du Hajj d'Abu Bakr. Lorsque le prophète sallam a envoyé Abu Bakr faire le Hajj. L'année 10, c'est Hajj al-Wada'. Hein? Anouim. Et donc, mais justement, ça nous permet de réviser ces masa'il, alhamdulillah. Et donc, l'année de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est vu rendre licite la Mecque. C'est-à-dire qu'il lui était permis le combat afin de conquérir la Mecque. D'accord? Donc, elle lui a été rendue licite. Et elle a été rendue licite à personne d'autre avant lui. Personne d'autre a eu le droit de combattre avant lui à la Mecque. Et personne d'autre n'aura le droit de combattre après lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit, et le caractère, ou la sacralisation, le caractère sacré de la Mecque a été rendu comme elle était, hein, comme elle était sacrée avant. C'est-à-dire, avant la conquête de la Mecque, elle était sacrée, on n'avait pas le droit de se battre. Ensuite, quand la conquête a eu lieu, Allah Azza wa Jal, il a permis à son prophète de combattre. Hein? Et une fois que la Mecque a été conquise, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est redevenue sacrée comme elle était sacrée avant. Vous comprenez? Donc certains ont dit que que ça, c'est le sens ici. Hein? De wa anta hillun bi hadha al-balad. Fayaqul fayakunu iqsamu Allah ta'ala bi hadha al-balad muqayyidan bima idha kanat hillan li rasul sallallahu alayhi wa sallam 'am al-fath, li'annaha fi dhalika al-yawm tazdad sharafan ila sharafiha. Donc certains ont dit que le fait qu'Allah a juré par cette ville, hein, est raccroché ou est conditionné par le fait qu'elle a été rendue licite, halal, au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de la conquête de la Mecque. Hein. Et donc ce jour-là, hein, la noblesse a été encore rajoutée à la noblesse de cette ville. حَيْثُ تُهِرَتْ مِنَ الْأَصْنَامِ وَهُزِمَ الْمُشْرِكُونَ. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où, où la Mecque a été purifiée des idoles, hein, parce que le prophète a détruit toutes les idoles, hein, et les mécréants, les mouchlikouns, les associateurs ont été vaincus. وَفُتِحَتْ عَلَيْهِمْ بِلَادُهُمْ عَنْوَا وَصَارَتْ هَذِي الْبَلَدْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ بَلَدْ كُفْرٍ صَارَتْ بِلَادْ إِيمَانٍ وبعد أن كانت بلاد الشرك بلاد الشرك صارت بلاد التوحيد وبعد أن كانت بلاد العناد صارت بلاد الإسلام فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. Dans la mesure donc on a dit, hein, que elle a été purifiée des idoles et que les mouchlikoun, les associateurs ont été vaincus et qu'elle a été conquise, la Mecque, hein, et qu'elle est devenue, hein, d'un pays de mécréance, est devenue un pays de foi. Un pays de shirk, elle est devenue un pays de tawhid. Un pays, hein, de rejet, elle est devenue un pays d'islam. Et donc, la plus noble situation de Mecca, c'était à quel moment ? Au moment de la conquête. D'où le fait qu'Allah a juré par cette ville. Vous comprenez ? Donc il y a deux explications ici sur wa anta hillun bi hadha al-balad, et on va terminer sur ça inshallah. Jazakumullah khairan. Al-din inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.